secret et trahison. Les hommes en costume, dicton et vision. Silhouette murmure dans les couloirs sombres. Le monde suspendu à d'obscures pénombres. Les murs ont des oreilles, cibles mouvantes. Cachées dans les ombres, agents se commentent. Codes et onigma, mystère bien gardé. L'angoisse palpite, tout est à parier. La tension monte, le temps presse. Piège à déjouer, c'est une détresse. Soviets et Yankees, tous en alerte. Un faux pas, et la guerre est ouverte. Énigmes et indices, se battre avec frisson. Trace nous guidant à la libération. Guerre des nerfs, chaque pas est crucial. Fuir ce labyrinthe, acte monumental. Frissons glacés dans la nuit obscure. Topé espion, entreprise obscure. Tic-tac de l'horloge, évasion confère. La porte s'ouvre, un futur prospère. La tension monte, le temps presse. Piège à déjouer, c'est une détresse. Soviets et Yankees, tous en alerte. Un faux pas, et la guerre est ouverte. La tension monte, le temps presse. Piège à déjouer, c'est une détresse. Soviets et Yankees, tous en alerte. Un faux pas, et la guerre est ouverte. La tension monte. Soviets et Yankees, tous en alerte. Un faux pas et la guerre est ouverte.